Recueille-toi devant le Seigneur. Et adore ces dieux. Parce qu'il mérite la louange. Mérite l'adoration. Mérite que nous puissions l'élever. Mérite que nous puissions le célébrer. Alléluia. Amen. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange et l'adoration. Raison pour laquelle nous t'acclamons encore une fois. Acclame très fort notre Dieu. Acclame-les. Seigneur, que tu crois ce que j'ai diminué. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous continuons Tunaendelea sur notre sous-thème que nous avons commencé depuis hier. Kwa mada yetu ndogo ambayo tumeanza tokea jana. La réussite dans la vie sociale. Kufaulu katika maisha ya jamaa. Alléluia. Amen. Hier, nous avons essayé de parler de l'origine de la vie sociale. Jana tulienda kuzungumzia juu ya mwanzo ya maisha ya jamii. Et nous avons vu que c'est le Seigneur qui est l'initiateur. Na tukaona ya kwamba ni Bwana ndiye mwanzilishi. Lorsqu'il a créé l'homme. Wakati alipomuumba mwanadamu. Il a mis à l'homme toutes les capacités nécessaires pour qu'il puisse vivre en société. Akamwekea mwanadamu viungo vyote ili aweze kuishi ndani ya jamii. Et il a créé Adam et Ève. Akamuumba Adamu na Eva. Et Adam et Ève étaient constitués de la même matière. Na Adamu na Eva waliokuwa na maumbile moja. Puisque lorsqu'il a créé Ève, nous avons vu qu'il a pris une partie de Adam pour créer Ève. Kwa kuwa wakati alipomuumba Eva, alikamata kiungo moja kwa Adamu ili amuumbe Eva. Et nous avons vu que Adam et Ève avaient la même nature. Na tukaona ya kwamba Adamu na Eva walikuwa na hali moja. Et de leur couple est sorti des enfants qui avaient aussi la même nature, la nature de Dieu. Na katika ndoa yao katoka watoto ambao walikuwa na hiyo hali ya Mungu. Et ensuite nous avons vu combien le diable est venu avec les péchés pour briller le fonctionnement de l'homme est pour rendre la vie sociale compliquée. Na tena tukaona gisi shetani aliingia katika maisha ya mwanadamu ili avunje hiyo hali ya Mungu na maisha ya mwanadamu ikakuwa vigumu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui nous allons parler d'un point. Leo tazungumzia jambo moja. Les règles de vie dans la communauté ou dans la société. Maagizo ndani ya maisha ndani ya jamii. Les règles de vie, kanuni za maisha dans la communauté ou dans la société. Ndani ya umoja ama ndani ya jamii. J'aimerais que nous puissions prendre nos bibles. Napenda tuchukue biblia zetu. Nous allons lire un passage. Na tutakuwa na usomi moja. Éphésiens chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au chapitre 6. Verset 1 jusqu'à 9. Wa Efeso sura 5 mstari wa 22 na tutaendelea kwa sura 6 mstari wa kwanza hadi mstari wa 9. Alléluia. Amen. Avant que nous puissions lire ce texte. Mbele tusome maandiko haya. J'aimerais que nous puissions savoir que lorsque Dieu a créé l'homme. Nilitaka tuelewe ya kwamba wakati Mungu alipomuumba mwanadamu, il n'a pas créé beaucoup d'hommes. Hakuumba watu wengi. Il a créé d'abord une famille. Aliumba jamaa moja kwanza. Et cette famille-là, il n'a pas créé papa, maman et les enfants. Na kwa jamaa hii hakuumba. Une famille qui s'est constituée progressivement. Ina ambayo ilienda ikiongezeka kila siku. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons de la vie sociale, na wakati tunapozungumzia maisha ya jamii, cette vie commence d'abord dans la famille. Hiyo maisha inaanza kwanza ndani ya jamaa. Puisque c'est ce que nous avons eu dans la famille qui se répercute sur la société. Kwa kuwa ni yale ambayo tumepata katika jamaa ndio naenda leta matukio yake ndani ya jamii. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas été éduqué dans la famille, kama haukufunzwa ndani ya jamaa, cela va se répercuter sur la société. Matokeo haya mabaya yataenda kuonekana ndani ya jamii. Là où vous allez partir travailler ou étudier, on saura que vous n'avez pas été éduqué. Mahali ambapo utaenda kutumika ama kusoma, wataelewa ya kwamba haukufunzwa. Et le comportement que vous allez afficher là-bas. Na hali ambapo utaonesha huko. Ça sera un comportement qui montre réellement que vous n'avez pas réussi l'éducation. Itakuwa hali ambapo utaonesha hakika ya kwamba wewe haukufunzwa. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Tutasoma. Éphésiens chapitre 5 verset 22. Wa Efeso sura 5 mstari wa 12. C'est un long texte. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Le titre c'est devoir domestique. Kichwa ya neno nasema majukumu ya jamaa. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Enfin, faire paraître devant lui l'église glaise, tâche, ride, et il répète que les maris doivent aimer leur corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait l'église, parce que nous sommes mariés de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Enfin, obéissez à vous selon le Seigneur et cela est juste. Car cela est juste. Honore ton père, c'est le premier point avec une promesse. En fait, que tu sois heureux et que tu vives sur la terre. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu, servez-les avec empressement. Alléluia. Amen. Comme servant le Seigneur et non des hommes. Que chacun soit esclave, soit libre et recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces. Et le vôtre à les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Alléluia. Amen. Peut-être vous vous dites, Maman Rosette veut. Souvent, ces passages, on les lit souvent quand il y a des mariages. Alléluia. Amen. Mais le mariage, c'est le début d'un voyage. Ndoa ni mwanzo wa safari. C'est le ami qui va se constituer. Ni mwanzo wa jamaa ambao tenda kujiunda. Et lorsqu'on lit ce passage, na wakati tunaposoma usomi huu, on ne le lit pas pour que les mariés puissent l'appliquer les jours du mariage et puis les laisser. Hatuyasome tu juu wanaunga ndoa wayasikie hiyo siku na wayaache. Quand on les lit les jours du mariage, c'est pour que ces passages puissent les accompagner tous les jours de leur vie. Inaposoma siku hiyo ya ndoa ni kwamba wayaendeleshe siku zote za maisha yao. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler des règles de vie dans la communauté. Tuko tunazungumzia juu ya kanuni ya maisha ndani ya jamaa. Bien aimé, chaque communauté est régie par des lois. Je l'ai encore dit hier. Kila kikundi wapendwa kinakuwa na makanuni ambazo zinakiwasilisha. Ce sont ces lois qui aident la communauté à bien fonctionner. Ni hizo kanuni ambazo zinaacha. Nous voyons cela depuis le jardin d'Eden. Tunaona haya shamba la Eden. Lorsque Dieu a fini de créer Adam et Eve, il leur donne des instructions comment ils devaient vivre dans le jardin. Kati Mungu aliumba Adam na Eva akawapatia masharti namna gani wataishi ndani ya shamba la Eden. Et dans les livres d'Exode, à partir du chapitre 20, nous voyons qu'elle a choisi un peuple, les enfants d'Israël. Il leur a donné des commandements. Il leur a donné des lois. Des lois. Alléluia. Amen. Et après, dans les Torah ou les livres de Moïse, nous allons voir trois subdivisions parties. Dans la loi que le Seigneur a donnée, la loi morale. Kulikuwa sheria ya kwanza ya la loi morale. Kulikuwa kanuni ya kwanza ya gisi ya kuishi. Cette loi sheria annonçait les règles divines pour une vie sainte. Sheria hii ilikuwa za Mungu juu ya maisha ya utakatifu. C'était des lois qui devaient aider le peuple d'Israël comment vivre avec Dieu. Ilikuwa kanuni ambazo ziliweza kuonesha watoto wa Israeli namna gani wanaweza kuishi pamoja. Puisque c'était un peuple que Dieu s'était déjà choisi. Kwa kuwa ilikuwa ni taifa ambayo Mungu mwenyewe alikuwa amejichagulia. Et Dieu devait leur donner une marche de conduite, leur montrer comment ils devaient se conduire envers lui pour lui être agréable. Et cela nous pouvons le voir dans Exode chapitre 20 à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Il y avait la loi civile. Cette loi traitait de tout ce qui concerne la vie juridique et sociale de la nation. Sheria hii ilikuwa ikionyesha namna gani unaweza kuishi katika haki na ndani ya taifa. C'était une loi qui montrait au peuple d'Israël comment ils devaient vivre entre eux et s'il y avait des différends entre eux, comment ils devaient résoudre les problèmes qui pouvaient se poser entre les hommes. Ilikuwa sheria ambayo iliweza kuonesha wana wa Israeli wakati watakutana na magumu katikati yao, namna gani wanaweza tena wakapatane. C'était aussi une loi qui enseignait et qui montrait les peuples d'Israël comment ils pouvaient vivre en société. Et cela nous pouvons le lire dans Exode chapitre 21 à partir du verset 1 jusqu'au verset chapitre 23. Jusqu'au verset 9. Et il y avait la loi cérémonielle. Na kulikuwa tena sheria za karamu. C'était une loi qui leur montrait comment ils pouvaient prendre. Il y avait des jours de fêtes, des jours de cérémonies, comment ils pouvaient offrir des offrandes à Dieu. Ilikuwa sheria ambayo iliweza kuwaonesha namna gani wanaweza wakajishikilia ndani ya karamu na namna gani wanaweza wakatoa sadaka kwa Mungu. Et cette loi cérémonielle se rapportait aux formes et aux rites du culte et à l'assemblée des sacrifices que les enfants d'Israël devaient offrir à l'Éternel. Na sheria hii ilikuwa ikishikilia namna gani watoto wa Israeli wanaweza wakawa ndani ya karamu na namna gani wanaweza kutoa. Et si nous regardons au chapitre 23, nous pouvons voir ces choses. Tukiangalia kwa sura ya 23 katika kitabu cha Kutoka tutaona mambo haya. Ça c'était des lois que le Seigneur a donné à son peuple. Hii ilikuwa ni sheria ambayo Mungu alipatia taifa lake. Pour qu'il puisse vivre bien à communauté. Ili waweze kuishi vizuri katika jamii. Et aujourd'hui dans notre société. Na leo katika jamii yetu. Nous avons des lois. Tunakuwa na masheria. Nous avons des lois qui ont été établies par l'État. Tunakuwa na sheria ambazo zimetiliwa na taifa. Mais nous avons aussi des lois naturelles que le Seigneur a établies. Na tunakuwa na sheria za kawaida zile ambazo Mungu mwenyewe amezitia. Et ce sont des lois. Na ni sheria. Qui nous aide dans notre vie quotidienne. Partout nous pouvons nous trouver. Mahali popote ambapo tunaweza tukapatikana. À l'église. Kanisani, à la maison. Nyumbani, au marché. Sokoni, dans les quartiers avec nos voisins. Katika makartie zetu na majamii zingine. Si nous voulons réussir. Kama tunataka kufaulu. Et vivre une vie sociale qui réussit. Na kuishi maisha ya kijamii ambayo imefaulu. Nous devons connaître ces lois. Inatubidi tujue kanuni hizi. Devons les appliquer. Na tunapasha kuziweka tayari. Alléluia. Amen. Ce que nous devons savoir en tant que personne dans la société ou dans la communauté. Yale ambayo tunaweza kujua kama vile mtu ndani ya jamii. Chaque personne est important. Kila mmoja ni wa lazima. Chaque personne a un rôle à jouer. Kila mtu ana kazi ya kutenda. Et chaque personne a sa position. Na kila mtu ana nafasi yake. Alléluia. Amen. Chaque personne a une position. Kila mtu ana nafasi yake. Et pour bien vivre dans la communauté. Na ili uweze kuishi vizuri ndani ya jamii. Chaque personne doit connaître sa position. Kila mtu anapasha kujua nafasi yake. Chaque personne doit connaître son rôle. Kila mtu anapasha kujua anapaswa kutenda nini. Bien-aimé, si tu ne connais pas ta position dans la société. Mupendo kama haujua nafasi yako ndani ya jamii. Tu vas devenir une pierre d'achoppement pour les autres. Utakuwa mwenye kukwaza wengine. Si tu ne connais pas ta place dans la communauté. Kama haujua nafasi yako ndani ya jamii. Ou dans la société. Ndani ya jamii. Tu vas commencer à créer des problèmes et toi-même tu vas te créer des problèmes. Utakuwa mwenye kuleta shida ndani ya jamii na wewe mwenyewe utajiletea shida. Et dans ta position, na katika nafasi yako, tu dois savoir qu'il y a des limites que tu ne dois pas dépasser. Utajua ya kwamba kuna mipaka ambayo haustahili kuvuka. Puisque si tu dépasses seulement tes limites, kwa kuwa ukitambuka mipaka yako, ça va être des problèmes. Itakuwa shida. Alléluia. Amen. Chacun de nous doit connaître sa position, ses limites, sa place. Et son rôle à jouer dans la société. Kila mmoja wetu inamubidi ajue nafasi yake, ajue mipaka yake na kazi yake ambayo anapaswa kufanya ndani ya jamii. Hier j'ai parlé des relations. Jana nilizungumzia juu ya mawasiliano. Et j'ai dit que la vie sociale est basée sur des relations. Na nilisema maisha ya kijamii inakuwa juu ya mawasiliano. Et ces relations? Na mawasiliano haya sont d'abord vécu dans un cadre restreint. Yanaishi kwanza katika kikundi kidogo. Dans la famille. Ndani ya jamaa. Comme je l'ai dit tantôt. Kama nimesema hapo mbeleni. Que c'est la famille. Ni jamaa. C'est la famille qui nous façonne. Ni jamaa ndio ambayo inatutengeneza. C'est la famille qui nous éduque. Ni jamaa ndio ambayo inatupatia maelekezo. C'est la famille qui nous montre comment nous pouvons vivre en société. C'est un cadre restreint. Kikundi kidogo, mais qui fait un grand travail. Lakini ambayo natenda kazi kubwa. Alléluia. Amen. Et la communauté est créée par plusieurs familles. Na jamii inajengwa na majamaa nyingi. C'est l'ensemble des familles qui constitue la société. Ni umoja wa majamaa mingi ambayo inaunda jamii. Je vous dis bien aimé, si les gens vivaient en vrac dans la société. Ninaambia wapendwa kama watu wangeishi kiolela ndani ya jamii. Et qui avait pas de famille. Na hakungekuwa jamaa. Les catastrophes là que nous vivons aujourd'hui. Mambo haya mabaya ambayo tunayaishi leo. Je ne sais pas si ça serait multiplié par. Sijue kama yangezidishiwa mara ngapi. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons que cette famille là, kwa hivi tunaona kama jamaa hili, c'est l'idée de Dieu telle que je l'ai dit. Ni mafikiri ya Mungu kama vile niliyasema. Dieu a créé d'abord une personne. Mungu amemuumba kwanza mtu mmoja. La deuxième. Akaumba mtu wa pili. La troisième. Akaumba mtu wa tatu. Il voulait se rassurer que avant de créer la deuxième personne. Alitaka ajihakikishie ya kama anapomuumba mtu wa pili. Qu'il soit sûr qu'il a travaillé sur la première personne. Aelewe ya kwamba amekwisha kutumika juu ya mtu wa kwanza. Et quand il amène la deuxième personne, avant d'amener la troisième, il faut qu'il sache qu'il voulait se rassurer que les deux là d'abord, il a déjà travaillé sur les deux. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle, même dans nos familles, nous venons progressivement. Il y avait d'abord le messier. Il était seul, célibataire. Kapera. Après, il a pris sa femme. Kisha kamchukua mke wake. Et Dieu veut se rassurer que d'abord les deux, il faut qu'ils s'habituent. Na Mungu anajihakikishia ya kwamba hawa watu wawili wamezoeana. Même si la femme a la grossesse le premier jour. Hata kama mwanamke amechukua mimba siku ya kwanza. Le jour du mariage. Siku ya ndoa. Il ne va pas coucher le lendemain. Hata zala kesho yake. N'est-ce pas? Hapana. Dieu leur donne 9 mois. Mungu anawapatia miezi kenda. Pour que la troisième personne vienne s'ajouter. Même si tu peux dire moi je suis madame chaque année j'accouche chaque année. Mimi ninazaa kila mwaka. Même le jour où tu es sorti de la maternité. Hata hiyo siku ambayo umetoka kwenye kitu ya la deuxième grossesse. Unakuwa na mimba ya pili. Dieu va te donner encore 9 mois. Mungu atakuongeza tena miezi kenda. Pour que la troisième personne là s'adapte. Ili mtu wa tatu tena naye azoe. Alléluia. Amen. C'est progressivement que la famille se constitue. Yanaenda pole pole jamaa. Alléluia. Amen. Et c'est l'ensemble de plusieurs familles, j'ai dit, qui créent la communauté. Mingi ambayo inafanya ikuwe jamii. Alors j'aimerais que nous puissions voir 5 règles de vie. Ninapenda tuone kanuni tano za maisha. Il y a beaucoup. Kuna mengi. Mais nous allons juste parler de 5. Lakini tutazungumzia tu tano. Et ces 5 règles de vie, na kanuni hizi tano, je pense que si nous les mettons en pratique, ça va nous aider aussi. Ninawaza kama tukiatia kwenye matendo yatatusaidia. À mettre d'autres choses aussi en pratique. Na kutia vitu vingine kwenye nafasi yavyo. Donc, cette famille, même si elle vient progressivement, mais il y a des règles que cette famille doit connaître. Hii jamaa hata kama inakuja kizidishwa polepole kuna kanuni ambazo napashwa ijue. Puisque j'ai dit que ya chaque personne a son rôle, chaque personne a sa responsabilité, chaque personne a sa place. Kwa kuwa nimesema kila mtu ana nafasi yake, kila mtu ana majukumu yake na kila mtu ana kazi yake. Il y a des limites autour de nos responsabilités, de notre place, de notre rôle. Alléluia. Kuna kuwa mipaka juu ya majukumu yetu, juu ya kazi yetu na juu ya nafasi zetu. Les premières règles que j'ai choisi c'est l'amour. Kanuni ya kwanza ambayo nimechagua ni upendo. Bien-aimé, mpendwa. Pour que nous puissions bien vivre en société, pour que nous puissions réussir la vie sociale. Ili tuweze maisha ya kijamii. L'amour c'est la première chose. Upendo ni kitu kia kwanza. Nous devons nous aimer. Tunabidi tupendane. J'ai dit hier que Mama Sarah, la matière qui constitue Mama Sarah, c'est cette même matière qui m'a constitué. Nimesema jana, yale maumbile ambayo yameumba Mama Sarah ni yale yale ambayo imeniumba. Je n'ai pas besoin de la haïr, puisque quand je la hais, je me hais moi-même. Sina haja ya kumuchukia, maana wakati napomuchukia, nimejichukia mwenyewe. Si je l'aime, nikimpenda, je vais lui souhaiter seulement de bonnes choses. Nitamtakia mambo mazuri. Si je l'aime, kama nikimpenda, je vais vouloir sa progression. Nitataka aendelee. Alléluia. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, tu voudras le voir seulement heureux. Kama unapenda mtu utapenda ukuo ukimwona kila siku mwenye heri. La Bible nous dit comme ceci dans Romains chapitre 13 verset 8. Biblia inatuambia hivi katika kitabu kia Waroma sura 13 mstari wa 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Usiwe mdeni wa mtu kama isiyokuwa tu upendo. Ces derniers temps nous devons aux gens de l'argent. Kwa leo tunawapatia watu makuta. Nous devons aux gens des choses matérielles. Tunakuwa na deni ya watu ya vitu. Mais la Bible nous dit devez seulement l'amour. Lakini Biblia inatuambia tukue na deni ya upendo. Lipa deni zingine zote. Paye les autres dettes. Za makuta usikue nazo. L'argent. Mais seulement la dette de l'amour. Lakini ukue tu na deni ya upendo. Vous savez que quelqu'un a une dette. Unajua wakati mtu anapokuwa na deni. Il n'a pas la paix. Hana amani. Alléluia. Amen. La dette fait manquer la paix. Deni nakosesha amani. Si tu as la dette de quelqu'un et que tu as la paix. Kama una deni ya mtu unakuwa na amani. Sache que tu commences à devenir escroc. Elewa ya kwamba wewe ni mwizi. Alléluia. Amen. Et c'est cette attitude là que Dieu veut que nous puissions avoir vis-à-vis des autres. Na ni hali ambayo Mungu anapenda tukue nayo kwa wenzetu. Ne devez rien à personne sauf l'amour. Tusiwe na deni ya mtu yeyote isipokuwa tu ya upendo. Comme la dette fait manquer la paix. Kama vile deni nakosesha amani. Si je dois l'amour à Mama Sarah. Kama ninakuwa na deni ya upendo kwa Mama Sarah. Tant que je ne lui ai pas encore manifesté l'amour. Kama siyamuonesha upendo. Je n'aurai pas la paix. Sitakuwa na amani. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 2 le verset 10. Biblia inatuambia katika kitabu ya kwanza ya Yohane sura 2 mstari wa 10. Celui qui aime son frère. Yule anayempenda ndugu yake. Demeure dans la lumière. Anabaki ndani ya nuru. Et aucune occasion de chute n'est à lui. Na maanguko hata moja haiko ndani yake. Si tu aimes ton frère, il n'y a pas une occasion de chute. Kama unapenda ndugu yako hakuna wakati utakapoanguka. Pour éviter les chutes, les occasions de chute, aimons seulement. Kwa kukimbia maanguko, tupende tu. C'est ce que la Bible nous dit. Ni haya ambayo Biblia inatuomba. Jean chapitre 13, le verset 34 dit, aimez-vous les uns les autres. Yohane sura 13, mstari wa 34 natuambia, tupendane wamoja kwa wengine. Bien aimé, l'amour va nous permettre de supporter, nous aider à supporter les défauts des autres. Upendo tatusaidia kujua kuchukulia mabaya ya mwingine. L'amour va nous pousser à vouloir voir les autres émerger. Upendo tatusaidia kuwaona wengine wakiendelea mbele. Aimons-nous les uns. Tupendane wamoja kwa wengine. Si nous nous aimons bien aimés. Kama tunapendana wa ndugu, nous allons réussir. Tutaweza dans notre vie sociale. Katika maisha yetu ya jamii. Il y aura pas de chute. Hakutakuwa maanguko. Il y aura pas de bikwazo. Hakutakuwa kukwazana. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions vous allez lire ce texte là à la maison. 1 Samuel chapitre 18 le verset 1 et suivant. Usomi nyumbani Samueli wa kwanza sura 18. C'est l'histoire de Jonathan avec David. Ni historia ya Jonathan na Daudi. La Bible nous dit que Jonathan aimait David. Biblia tombia ya kwamba Jonathan alimpenda Daudi. Il le portait tellement dans son cœur. Alikuwa kimbeba katika moyo wake. Et il était attaché à David. Na alikuwa amejiunganisha kwa Daudi. Et un jour le père de Jonathan. Na siku moja baba yake na Jonathan. A fait un complot pour tuer David. Akafanya mbinu za kumuua Daudi. Mais David l'a fait échapper. Jonathan l'a fait échapper. Lakini Jonathan akakwepesha Daudi. L'amour. Upendo. C'est l'amour qui a poussé Jonathan à protéger son ami. Ni upendo ndio ambao limusukuma Jonathan. Malgré que c'était son père. Amuokoe ndugu yake ijapokuwa ni baba yake. Jonathan était le fils du roi. Jonathan alikuwa mtoto wa mfalme. Et Saul, le père de Jonathan, considérait que David était son ennemi. Na Saul mfalme baba yake na Jonathan alikuwa akimuona Daudi kama vile adui yake. Et si Jonathan ne pouvait pas qu'on puisse faire un coup d'état à mon père. Na kama Jonathan angeweza kumpatia baba yake sheria akisema sipendi wamupindue baba yangu. C'était légitime. Ilikuwa ya haki. Mais il était animé de l'amour. Lakini alikuwa na hiyo upendo. Et je n'accepterai pas qu'on puisse tuer mon ami. Na akasema sitaitika wamuue rafiki yangu. Et il a protégé son ami. Na akamulinda rafiki yake. Bien aimé, lorsque tu aimes ton prochain. Mpendo wakati unapompenda mwenzako. Tu ne voudras pas le voir souffrir. Hautapenda ukimuone akiteseka. Et si dans la société l'amour régnait. Na kama katika jamii upendo il n'y aurait pas de tuerie. Hakutakuwa mauaji. Il n'y aurait pas de bandits mères. Hakutakuwa wale wezi ambao wanakuua. Amen. Amen. Et la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 5 verset 33. Na Biblia inaendelea kutuambia katika kitabu kia Waefeso sura 5 mstari wa 13. La Bible dit au mari. Biblia inasema waume. Marie, waume, aimez vos femmes. Mwapende wake wenu. Alléluia. Amen. C'est un devoir. Aimez vos femmes. Ni majukumu ya kuwapenda wake wenu. Bien aimé l'amour. Upendo. L'amour couvre une multitude de péchés. Upendo unafunika zambi nyingi. Alléluia. Amen. La deuxième chose. Jambo la pili. C'est développer les vertus. Tulete hali. Tuendeleshe fadhila. Développer les vertus. Tu es facile, hein? Les vertus consistent à des bonnes manières. Inakuwa ni matendo mazuri. Ce sont les bonnes manières. Nous devons développer les bonnes manières dans la société. Tunapasha kuendelesha matendo mazuri katika jamii. Ce sont des petites choses que parfois nous négligeons mais qui nous rendent bizarres. Ni vitu vidogo vidogo ambavyo tunavizarau lakini vinatuaibisha. La salutation par exemple. Kusalimiana. Tu te réveilles dans la maison. Unaamka katika nyumba. Tu ne salues même pas ton mari. Hautamsalimia hata mume même wako. Même pas ta femme. Hata mke tu wako. Tu ne salues pas les parents. Hautasalimia wazazi. Tu penses que le fait de dormir seulement dans la même maison suffit. Unawaza et le matin tu peux te réveiller commencer à te balader dans la maison ça salue les gens. Unawaza tu kulala katika nyumba moja inatosha. Bien aimé, nous devons développer les bonnes manières. Wandugu tunapasha kuamusha fadhila nzuri katika maisha. Il y a des femmes qui le mari quand il vient du travail, il ne lui dit même pas karibu. Kuna wanawake wamoja ambao waume wao kutoka kazini hata mwanamke. Ce sont des petites choses que nous devons développer. Ni vitu vidogo vidogo ambavyo tunapasha kuamusha société. Ili tuweze kuishi katika jamii. Et quand on peut lui poser la question, pourquoi tu ne dis pas karibu à ton mari? Mais viens chez lui, c'est. Il est chez lui. Bien aimé, chère maman. Wapendwa wa mama. Si tu connais pas bien ta karibu. Amen. Hein? C'est possible. Inawezekana wa mama. Les bonnes manières. Mambo mazuri. S'excuser. Kusema tafadhali. S'excuser auprès des gens. Kusema tafadhali naomba msamaha. Courtoisie. Kusema na adabu. Ce sont des ni fazila. Si nous développons nous allons être agréables devant nos voisins et devant nos semblables. Tutakuwa jirani wetu na kwa wale ambao wanatufanana. Le respect mutuel. Kuheshimiana. Bien aimé, nous devons nous respecter. Inatubidi tuheshimiane. Si tu veux qu'on te respecte, il faut respecter les autres. Kama unapenda wakuheshimu na wao. Et c'est là, c'est dans la famille que nous l'apprenons. Na haya ni katika jamaa ambako tunayafundishwa. Toutes ces petites choses, nous devons les apprendre dans la famille. Haya mambo madogo madogo inatubidi si tu n'as pas appris à saluer les gens de ta maison. Kama haukueleweshwa kusalimia watu wa nyumbani mwako. Ne pense pas que lorsque tu seras engagé, tu vas commencer à te rappeler à saluer ton chef. Usiwazie kwamba wakati utakapopata kazi utakuwa unaanza msalimia mkubwa wako. Lévitique chapitre 19 verset 3 nous dit chacun respecte que chacun respectera son père et sa mère. Biblia inatuambia ya kwamba kila mtu atamheshimu baba yake na mama yake. Le respect. Heshima. La serviabilité. Kutendeana mazuri. Nous devons être serviables, bien-aimés. Tunapasha kutendeana mazuri. Être prompt à servir les gens. Kuwa tayari kustumikia mwingine. Ces derniers temps, ces choses-là sont devenues rares. Siku hizi mambo haya hayako tena. Tu peux avoir une panne. Unaweza kuwa na shida njiani. Si la route avec ton véhicule. Unaweza kuwa na shida njiani. Et tu veux que les gens te poussent. Nonapenda watu wakusukume. Pour démarrer ton véhicule. Ili uweze kutembeza gari. Les gens là qui vont te pousser. Watu hao ambao watakusukuma. Après ils vont venir pour dire chef. Kwa mwisho watakwambia mkubwa. Tulipe. Tupatie pesa. Ah, bien-aimé. Eh hey, wapendwa. Rendre service. Kutumikiana. J'aime cette histoire. Nafurahia historia hii. Genèse chapitre 24 et le verset 12. Mwanzo sura 24 mstari wa 12. Il y avait une fille qui était serviable. Kulikuwa dada moja ambaye alikuwa akijua kutumikia wengine. Et cette serviabilité là a fait qu'elle puisse être bénie. Na hiyo kutumikia watu wengine ilimwacha anabarikiwa. C'est Rebecca. Ni Rebecca. La Bible nous dit qu'elle était partie puiser de l'eau. Biblia inatuambia ya kwamba alienda kushota maji. Est-ce que vraiment qu'elle est partie puiser de l'eau? Est-ce qu'elle avait en tête que ngwa niende kumai aujourd'hui ta mususu, je vais rencontrer mon fiancé? Je wakati alienda shota maji, kichwani mwake alijiambia ya kwamba niende leo ndapata mchumba wangu. Non, c'était pas dans sa tête. Haikuwa ndani ya kichwa chake. Et quand elle est arrivée, na wakati alipofika, et monsieur lui a demandé de l'eau à boire. Mtu mmoja akamlomba maji ya kunywa. Et elle était prompte à donner de l'eau. Akakuwa tayari kupana maji. Oh, ce monsieur-là avait déjà formulé une prière dans son cœur. Na mtu huyo alikuwa ametia maombi ndani ya moyo wake. La personne n'a pas dit à Rebecca ce qu'il avait prié. Na mtu huyo akamwambia Rebecca yale ambayo aliyaomba. Mais il souhaitait que la personne qui va me donner de l'eau à boire. Lakini alitamani ya kwamba mtu atakayenipatia maji ya kunywa. Se rappelle de donner aussi à mes chameaux. Akumbuke tena kupatia ngamia zangu. Tellement que Rebecca avait l'esprit de serviabilité. Kama vile Rebecca alikuwa na hiyo moyo wa kujitolea. Elle a dit, je vais aussi faire boire tes chameaux. Akasema na nitapatia na ngamia zako maji. Elle-même. Yeye mwenyewe. Et elle a eu le mariage. Na kapata ndoa. Chère sœur. Wadada. Est-ce que tu es prête à faire ça? Je, uko tayari kutenda hivi? Vous savez, quand nous servons volontairement, tunajua ya kama tunapojitolea, Dieu voit la disposition de notre cœur. Mungu anangalia hali ya moyo wetu. Et il nous bénit. Na anatubariki. Alléluia. Amen. Nous devons être prêts à servir sans attendre un salaire. Tunapasha kuwa tayari kutumika bila kungojelea malipo. De toutes les façons, tout ce que nous ferons ici sur la terre, c'est le Seigneur qui va nous récompenser. Yale yote tunayoyatenda hapa duniani. Même si aujourd'hui tu peux aider quelqu'un à pousser son véhicule pour démarrer, unaweza kumsaidia mtu et qu'il te paye 500 francs, na kama nakulipa, c'est rien par rapport à ce que le Seigneur te réserve. Kwa yale ambayo Mungu amekuandalia. Alléluia. Amen. La serviabilité. Kuwa utayari wa ce sont des bonnes manières, ce sont des vertus que nous devons développer si nous voulons que notre société soit une société vivable dans laquelle nous allons réussir. Kama tunapenda jamii yetu ifanyikiwe, tunapasha kuleta fazila hizi mbele. Et lorsque nous faisons ces choses-là, na wakati tunatenda jambo hizi, ce sont des choses qui vont nous permettre de réaliser, d'accomplir la mission qui est attachée à notre nom. Ni mambo ambayo yatatusaidia kutimiza kazi ambayo inakuwa juu ya jina yetu. Alléluia. Amen. La troisième chose, jambo la tatu, c'est connaître ton rôle, kujua nafasi kazi yako, ta place, nafasi yako, dans la société. Ndani ya jamii. Connaître ton rôle et ta place dans la société. Kujua kazi yako na nafasi yako ndani ya jamii. J'ai dit au début que chaque personne dans la société a une place, a un rôle à jouer. Hapo mbeleni nimesema kila mtu katika jamii anakuwa na nafasi yake na anakuwa na kazi yake ya kutenda. Et dans ce point nous allons parler de beaucoup de choses. Na katika jambo hili tutazungumzia mambo mengi. Et la première chose dont nous voulons parler, na jambo la kwanza ambalo tunataka kuzungumzia, c'est l'hierarchie dans la famille. Ni mipangilio ndani ya jamii. Alléluia. Amen. À l'école, on nous a dit que la famille est constituée de papa, maman et les enfants. Shuleni wametuambia ya kwamba jamii inaundwa na baba na mama na watoto. Mais nous sommes des Africains. Les enfants là, quand on parle des enfants, ce n'est pas seulement les enfants biologiques. Si c'est nous en Afrique, quand on a tout le temps pour ces watoto, dans les enfants, il y a les neveux. Dans les watoto, il y a les cousins. Kuna watoto wa shangazi. Et le papa Leki. Na kuna baba mdogo. Papa Leki, si tu es chez ton grand frère. Baba mdogo, kama toi si tu es dans la liste, c'est ma des enfants. Alléluia. Amen. Oncle. Mouyamba. Tu es chez ta grande sœur ou chez. Sache que toi aussi tu es parmi les enfants. Alléluia. Amen. Pour connaître ta place. Ili ujue nafasi yako. La Bible nous parle de Marie. Le texte que nous avons lu. Mahali ambapo tumesoma. La Bible donne le rôle du mari. Biblia inaonyesha kazi ya mume. Et nous dit que le mari est le chef de la femme. Inatuambia kwamba mume ni mkubwa wa jamaa. Si le mari est le chef de la femme, c'est-à-dire automatiquement il est le chef de la famille. Kama mume ni mwongozi wa mwanamke, hapo hapo anakuwa mwongozi wa jamaa. Alléluia. Amen. Le mari ne peut pas être seulement chef de la femme et puis pour les enfants il n'est pas chef. Mwanaume mume hawezi kuwa tu mwongozi wa mwanamke na hata kuwa mwongozi wa watoto. Quand la Bible nous parle des chefs. Wakati Biblia inatuambia juu ya mwongozi. Souvent nous les hommes quand on dit chef. Mara nyingi sisi wanaume wanaposema mwongozi. C'est titre alléchant. Ni hali ya juu. Alléluia. Amen. N'est-ce pas les papas vous aimez qu'on vous appelle chef? Wa baba si mnapenda waite waongozi. Et ce n'est même pas par vote. Haiko tu kwa kuchagua. On n'a pas voté. Hatukuchagua. Quelle famille a voté leur papa pour qu'il soit chef? Jamaa gani limchagua baba yake? Est-ce que vous pouvez vous manifester? Unaweza kunyosha mkono? Qu'il éveille ou pas, il est chef. Upende usipopenda yeye ndiye mwongozi. Alléluia. C'est Dieu qui a dit. Ni Mungu ndiye ameyasema. Et il est né en état chef. Na amezaliwa akiwa mwongozi. Les papas, est-ce que vous pouvez vous acclamer? Puisque vous êtes des chefs. Baba kushangilia. Et vous savez la plupart par des fois quand il y a des conflits dans les foyers. C'est puisque nous les femmes nous essayons d'usurper cette position là de chef. Et aucun homme dans le monde ne peut supporter qu'on puisse le détrôner de cette place là. Hakuna hata mwanaume mmoja ambaye anaweza kupenda wamuondoe katika nafasi yake. Aucun homme, hata mwanaume mmoja. Même s'il n'a rien, hata kama hana kitu. Même s'il est sous l'art, même mulevi. Si on l'amène dans les pousses, il est hata déjà ivre et on l'amène à la maison. Amelewa, si tu essaies de lui dire tu cesses d'être chef ici à la maison, kama bien aimé, hapa nyumbani, la boisson là va se terminer, tu vas voir des choses. Na utaona mambo ambayo itapitikana. Mais nous devons savoir que en tant que chef, tujue kama c'est pas mwongozi. Seulement un titre. Mais c'est une responsabilité. C'est une grande responsabilité. Le rôle du chef, c'est quoi? Le chef, c'est un leader. Le leader, c'est celui qui trace les chemins. Pour que ceux qui vont venir après lui ne puissent plus rencontrer les difficultés qu'il a rencontrées. En tant que chef, kama vile mwongozi, vous tracez les chemins pour votre famille. Unafungua njia ya jamaa yako. Vous ôtez les épines. Unakata miiba. Pour que la femme ili mwanamke, et les enfants, na watoto, quand ils vont venir passer, qu'il n'y ait plus de difficultés. Kusikuwa tena shida. C'est ça le rôle du chef. Hiyo ndio kazi ya mwongozi. Le chef n'est pas quelqu'un qui vient, il s'assoit sur le trône, mwongozi, il met les pieds sur l'autre pour dire munilete samaki ya mzima. Mwongozi haiko yule ambaye anakuja na kati kwenye kiti anatia mguu juu ya mwingine. Et tout le monde à la cuisine mange les pondu. Na watu wote huko kwenye mafiga wanakula sombe. Hiyo sio uongozi. Le chef c'est le modèle. Kiongozi ni mfano. Le chef, c'est lui qui montre le modèle. Mwongozi ni yule ambaye anaonesha mfano. Dans la prière, ndani ya maombi, c'est le chef qui doit montrer le modèle. Ni mwongozi ndiye anaonesha mfano. Comment on prie? Namna gani wanaomba? Et la Bible dit ceci. Na Biblia inasema hivi. J'aime ce verset. Nilipenda msemo huu. Il est le chef. Yeye ni kiongozi. Selon le Seigneur. Kama vile Bwana. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de maris aiment être chef et ils aiment que leurs femmes se soumettent. Au moment où ils ne sont plus chefs selon le Seigneur, ils sont devenus chefs selon le diable. Et quand tu deviens chef selon le diable, mais tu penses que ta femme va se soumettre comme qui? Dans le Seigneur ou bien dans le diable? Elle va se soumettre comme démon. Na unapenda mke wako ajishukishe kama vile muongozi kwa Bwana ama muongozi kwa shetani. Hallelujah. Amen. Vous êtes chef. Wewe ni kiongozi. Da le Seigneur. Dani ya Bwana. Et le Seigneur dit que les femmes se soumettent à vous. Na Biblia inasema kama wanawake watajishusha mbele yenu. Da le Seigneur. Dani ya Bwana. Bien-aimé. Chef. Lorsque tu trouves que ta femme ne se soumet plus, pose-toi la question, est-ce que je suis toujours chef dans le Seigneur ou c'est comme si je suis allé à côté? Avant de blâmer d'abord la femme, regarde-toi d'abord. Alléluia. Amen. Le chef, c'est le modèle. Le modèle pour sa femme et pour ses enfants. Dans la parole, dans le respect, dans la façon de parler, dans la façon de se comporter, c'est lui le modèle. Le chef. Donc chaque titre qu'on peut nous donner, nous devons savoir que c'est une responsabilité. Aujourd'hui, nous voyons dans nos familles, quand c'est la prière familiale, papa dit, maman prie avec les enfants. Oh, mais c'est toi le modèle, maman va leur donner quel modèle. Puisque c'est toi le chef. Et tu n'es pas là. Ce n'est pas la maman qui est le modèle, mais c'est le chef. Alléluia. Amen. Nous devons prendre nos responsabilités. Inatubini tuchukue majukumu yetu. Puisque ces enfants qui sont en train d'imiter notre modèle, kwa kuwa watoto hawa ambao wanaona mfano kwetu, ils vont reproduire ce que nous leur montrons. Nao watatoa yale ambao tunawaonesha. Si nous sommes des papas infidèles, kama tuko wa baba ambao hatuna uaminifu, ne soyons pas surpris un jour de voir les fidélités naître dans notre famille. Tusishangae kuona siku moja kosa uaminifu inakuwa katika jamaa zetu. Puisque c'est vous qui avez donné le modèle. Kwa kuwa ni wewe ndiye ambaye ulionyesha mfano huu. Vous êtes papa, vous prenez deux femmes. Wewe ni baba unachukua wanawake wawili. C'est le modèle que vous donnez aux enfants. Ni mfano ambao unapata watoto wako. Il faut pas être satisfait avec une seule femme. Usitosheke na mke mmoja. Il faut prendre aussi des armoires et des tiroirs. Inabidi ukamate wengine. Alléluia. La Bible nous dit, Biblia inatuambia, femme, mwanamke, soyez soumise. La femme, c'est une aide. Mwanamke ni msaada. J'ai parlé de la femme hier longuement. Jana nilizungumzia juu ya mwanamke sana. Et lorsque Dieu a conçu de créer la femme pour l'homme, wakati Mungu alipofikiria muumbie mwanaume mwanamke, nous avons vu qu'il a mis la nature de l'homme dans la femme. Tuliona ya kwamba alitia hali ya mwanaume ndani ya mwanamke. Pour être capable de l'aider. Ili akuwe tayari kumsaidia. Une femme qui peut dire que moi je ne suis pas capable d'aider ses maris. Mwanamke ambaye anaweza kusema mimi siko tayari kumsaidia mume wangu. Il fait seulement un choix de ne pas aider. Amechagua tu asisaidie. Puisque le Seigneur lui a donné toutes les capacités nécessaires. En tant que femme, vous avez la nature de votre mari. Kama vile mwanamke, unakuwa na utu wa mume wako. Vous pouvez comprendre ce qu'il comprend. Unaweza kuelewa yale ambayo anayasikia. Vous pouvez sentir ce qu'il sent. Unaweza kusikia yale ambayo anasikia. Quand il est malade, vous pouvez savoir comment le corps fait mal, puisque vous aussi vous portez le même wakati corps. Anakuwa mgonjwa, unaweza kujua namna gani mwili unauma, kwa même quand il fait les projets. Na hata anakokamata miradi. Votre mari n'a pas de tête pour dire que moi je ne comprends pas le projet là qu'il est en train de monter. Vraiment, c'est plus fort que moi, je ne suis pas capable de comprendre. Dieu t'a mis à côté de lui pour que tu l'aides. Aide à tous les domaines de sa vie. Alléluia. Amen. Mais dans cette position d'aide, lakini katika hiyo hali ya il ne faut pas oublier quelque chose. Usisahau kitu kimoja. Dieu dit, Soyez soumis. Mungu anasema ujishushe, unyenyekee. La soumission, ce n'est pas une punition. Kunyenyekea haiko vita. La soumission, ce n'est pas être esclave. Kunyenyekea haiko kuwa mtumwa. La soumission, c'est de voir ce qu'il est en train de faire. Kunyenyekea ni kuona yale ambayo anayatenda. Et de marcher avec lui pas à pas. Kutembea naye hatua kwa hatua. En tant que femme, kama vile mwanamke, je suis en train de parler aux femmes mariées. Niko nazungumzia wanawake ambao wameolewa. Nous les femmes mariées, sisi wanawake ambao tumeolewa, quand on se marie, wakati tunaolewa, comme la Bible dit que le mari c'est notre chef. Kama vile Biblia inasema mume ni kichwa chetu. Supposons que vous travaillez. Inawezekana wewe unatumika. Si vous avez un autre chef là-bas au service. Kama wewe unakuwa na chef mwingine huko. Donc vous avez maintenant deux chefs. Unakuwa na mais parmi les deux chefs, lakini ndani hao wawili, quelle est ta priorité? Wa zaidi kwako ni nani? C'est ton mari. Ni mume wako. Alléluia. Amen. Tu as des chefs. Même si c'est mari, même s'il n'a rien. Hata kama mume huyu hana kitu. C'est lui la priorité. Ni yeye ndiye wa kwanza. Même si tu travailles à la présidence. Hata kama unatumika kwenye raisi. À la présidence. Kwa raisi. C'est lui le chef. Ni yeye ndiye kiongozi wako. Alléluia. Amen. Et s'il arrive que. Na kama inafikia. Là-bas au travail. Kule kazini, on veut te donner une promotion. Wanataka kukupandisha cheo. Et que on te dit viens vite. Na wanakwambia kuja haraka. Il y a un contrat ici. Kuna kartasi hapa. De 10,000 dollars que tu vas signer dans 30 minutes. Ya 10,000 ambao utasaini kwa dakika 13. Et que ça c'est ton chef qui t'appelle. Hiyo ni kiongozi wako anakuita huko kazini. Et que l'autre chef. Na kiongozi le chef mwingine de la maison wa nyumbani anasema ah, il y a un bouton de ma chemise qui est coupé. Kuna bouton moja chemise yangu ambayo imekatika. Il faut que tu l'arranges pour moi au même moment. Hapo hapo. Tu vas faire quoi? Utafanya nini? Tu vas faire le bouton. Utatengeneza hiyo nguo. Tu vas aller signer le contrat. Utaenda kusaini kartasi hiyo. Tu vas faire quoi? Utatenda nini? Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque nous nous marions, mpendo wakati tunapoolewa, nous devons savoir que c'est une grande responsabilité. Inatubidi tujue kwamba ni jukumu kubwa. Faut pas seulement avoir la joie d'être dans la voile ici. Usiwe tu na furaha kwa katika kanzu nyeupe hapa. Watu walikuwa kukupigia mikono. Mais sache que lorsque tu t'engages avec lakini un homme pour dire je deviens ta femme. Wakati unajitolea kwa mume unamwambia nakuwa mke wako. C'est lui qui va commencer à dire le dernier. Ni yeye ndiye ataanza kusema neno ya mwisho ndani ya maisha yako. C'est ça la soumission. Ni yeye ndiye kunyenyekea. Il te dit, arrange mon bouton. Anakuambia tengeneza nguo yangu. Tu refuses, tu dis, je pars signer le contrat de 10 000. Naenda kwanza kusaini kazi. Tu es soumise ou bien tu n'es pas soumise? Je, unanyenyekea ama ukunyenyekea? Réfléchissez sur ça. Fikiria kidogo juu ya haya. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour qui est l'harmonie, j'ai dit bien. Ili kuwe usawa, chacun doit connaître son rôle. Kila mtu anabidi kujua kazi chacun yake. Doit connaître son devoir. Kila mtu anapaswa kujua jukumu chacun yake. Doit connaître sa place. Kila mtu anapaswa kujua nafasi yake. Et respecter les limites. Na kuheshimia mipaka. Amen. Amen. Les parents. Wazazi. Papa et maman. Baba na mama. Nous sommes parents des enfants. Tuko wazazi wa watoto. Des enfants que nous-mêmes nous avons amenés au monde. Watoto ambao wenyewe tumewaleta duniani. Ils ne nous ont pas demandé de les engendrer. Hawakutuambia tuwazae. Mais ils sont là. Lakini wako hapo. Et c'est notre devoir. Na ni majukumu yetu. C'est notre responsabilité. Ni jukumu yetu. De bien éduquer ces enfants. Kuwafundisha vizuri hao watoto. Pour qu'ils deviennent des personnes normaux. Ili wawe watu wazima. Puisque si leur vie est gâchée, maisha yao ikiharibika, ça va encore nous revenir. Itaturudiria. Ça va retomber sur nous. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 22, le verset 6. Ndiyo maana katika kitabu kia mezali, Biblia natuambia, instruis l'enfant tumufunze mtoto, selon la voie qu'il doit suivre. Katika njia atakayoifuatia. Et quand il sera grand, na wakati atakapokuwa mkubwa, il ne s'en détournera pas. Hata iacha. instruis l'enfant. N'attends pas quand l'enfant a grandi. Mais quand il est encore petit. Je me rappelle l'année passée. Lorsque nous avons fait le séminaire des mamans, j'ai parlé de l'éducation des enfants. Et j'ai dit que l'éducation commence dans les seins maternels. Si tu te chamailles chaque jour avec ton mari, vous êtes devenu des karatéka depuis que tu es enceinte. Sache que lorsque tu vas accoucher, il y aura la semence de karatéka dans cet enfant-là. Il va seulement se trouver bizarre qu'il aime seulement se battre. Il aime cogner sur tout le monde. Et quand il se met à côté des autres enfants, il cogne, il fait pleurer tous les enfants. Et toi-même, comme tu ne te rappelles plus, tu dis, ah, vraiment, il faut prier pour mon enfant. Je ne sais pas si ce sont des démons. C'est toi-même l'éducation que tu lui avais donnée. J'avais parlé des femmes qui disent, oh, moi, je suis enceinte. Même si je ne bois pas vraiment, je sens la soif que je dois voir de l'alcool. Et tu commences à prendre l'alcool. La raison, c'est la grossesse. Quand ton enfant va commencer à se saouler, il ne faut pas regretter. Et aujourd'hui, je l'ai encore dit l'année passée, on a de la grossesse. C'est comme si les femmes enceintes sont autorisées de marcher nues. Même quand elle est partie chez les tailleurs, tu vas voir la robe qu'elle porte, tu te demandes, bon, c'est une blouse, c'est une robe, c'est quoi? Les mamans, je mens. Maintenant, cet enfant-là que tu habilles déjà comme ça, quand elle va arriver dehors, tu voudras qu'elle puisse bien s'habiller. Bien aimé, nous devons être conséquents des actes que nous posons. Tu n'as pas choukoua ma choukoumi ya mambo ambao tu n'as fanya. En tant que parents, nous avons le devoir d'éduquer les enfants. En tant que parents chrétiens, nous avons le devoir de montrer à ces enfants la voie du ciel. Imagine-toi. Toi et ton mari, vous partez au ciel. Et tous les enfants vont en enfer. Est-ce que ce ciel-là sera vraiment bien? Tu essaies de chercher tes enfants au ciel et il n'y en a pas. Que le Seigneur nous aide. Éphésiens chapitre. Proverbe chapitre 23, nous devons aussi corriger nos enfants. Proverbe chapitre 23, le verset 13 nous dit ceci. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu frappes de la verge, il ne mourra pas. Les enfants, écoutez. Lorsque nous vous frappons, c'est la Bible qui nous donne la permission. Le fouet ne va pas vous tuer. C'est juste la correction. Et Proverbe 22:15 nous dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. La folie. Si tu ne corriges pas ton enfant en état petit, il va grandir avec cette folie. Tu sauras garder un fou dans ta maison. C'est la raison pour laquelle il faut déjà combattre cette folie dès le bas âge. Proverbe 29:15 nous dit, la verge et la correction donnera la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait la honte à sa mère. Colossiens 3:21 dit, Ça, c'est encore nous les parents. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Parfois, nous les parents, nous posons aussi des actes qui découragent nos enfants. Nous devons cesser avec ces choses-là. Vous savez, lorsque vous faites des bêtises, attaquez parents. Les enfants vous observent, ils vous regardent beau. Tellement qu'ils sont enfants, ils ne peuvent pas vous dire quelque chose. Mais ils sont fâchés. J'ai déjà entendu des enfants qui ont dit, quand je serai grand, je vais taper papa. Si un enfant peut dire ça, c'est parce que les choses que tu fais les mettent tellement en colère que il s'est dit, si j'étais grand, j'allais frapper ses parents. N'amenons pas nos enfants à avoir de telles attitudes. Alléluia. Amen. Sachons que ce que nous faisons, nos enfants vont aussi les reproduire. Alors les enfants, les devoirs des enfants. Bien-aimés, chers enfants, j'ai dit, même si tu es papa qui t'habite, dans la maison de ton grand frère. Tu n'es pas chef là-bas. Tu es chez autrui. Il n'y a pas de chef dans la maison. Alléluia. Puisque si tu essaies de vouloir être chef, tu vas créer la guerre avec ton grand frère. Tu es jeune fille. Tu es chez ta grande sœur. Ou bien tu es chez ta petite sœur. C'est chez elle. C'est chez elle. Alors pour bien vivre en société avec elle, mets-toi seulement dans la catégorie des enfants. Là, tu vas bien vivre. Mais si tu essaies de vouloir montrer que c'est moi la grande sœur ici, tu n'es pas la grande sœur chez autrui. Tu es la grande sœur quand vous êtes dans la maison de votre parent. Alléluia. Amen. C'est comme ça que beaucoup de gens, ils aiment se compliquer la vie. Oh, là où j'habite, il y a des problèmes, on ne me supporte pas. Moi, je vais déménager. Est-ce que tu es resté à ta place? Est-ce que tu es resté à ta place? Si tu restes à ta place et que tu laisses au propriétaire de la maison d'occuper son terrain, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Watoto tuheshimu tuwatii wazazi wetu kama vile kwa Mungu na hiyo ndiyo haki. Obéissons à nos parents. Tuwatii wazazi wetu. L'obéissance insinue le respect. Utiifu inaonesha heshima. Alléluia. Amen. Et c'est un commandement qui est suivi d'une promesse. Ni kanuni ambayo inakuwa na ahadi. Si nous honorons nos parents, tukiwaheshimu wazazi wetu, nous dit que nous allons vivre pendant longtemps. Biblia inasema tutaishi siku nyingi. Les parents, c'est pas celui qui t'a, seulement celui qui t'a engendré. Mzazi si yule tu ambaye amekuzaa. Même celui qui a l'âge de ton père. Yule ambaye anakuwa na miaka ya wazazi wako. Pour toi. Mzazi kwako. Alléluia. Amen. Ici à Goma, tu attends le langage de la rue, les gens disent, ouais, kwanza, wao unaweza nikorigee, wewe kwanza wao njuli nizalaka. Hapa Goma tunakuwa nasikia mara mingi utanisawanisha wewe ndio ulinizaa. Ça c'est l'impolitesse. Hii ni kukosa adabu. Quelqu'un qui a l'âge de ton parent, c'est ton parent. Mtu ambaye anakuwa na miaka ya baba yako ni baba yako. Quelqu'un qui te prend en charge. Yule ambaye anakuchukua katika mikono yake. Il paye pour toi les études. Il te nourrit. Il te loge. Anakuchunga. Mais tu dois lui donner le respect des parents. Unapaswa kumheshimia kama vile mzazi. Alléluia. Amen. Nous devons honorer les parents si nous voulons que notre société soit une bonne société, si nous voulons réussir un jour dans la vie. Kama tunapenda kuweza siku moja katika maisha yetu, tuwaheshimu wazazi. Et si nous voulons que la mission qui est attachée à notre nom divin puisse réussir. Chacun de nous doit faire son devoir. Puisque des petites choses comme ça peuvent mettre des blocages même dans la mission que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les enfants passent connaître beaucoup de choses. Surtout s'il a un parent illettré. Et il pense que les parents n'ont rien à dire devant lui. Puisque les parents ne connaissent même pas utiliser les téléphones, ne connaissent pas Facebook, ne connaissent pas toutes ces choses-là, ils ne connaissent pas l'Internet, c'est quoi? Bien-aimé, ton parent, même s'il ne connaît pas tout ce que toi tu connais, il a beaucoup plus d'expérience plus que toi. Tu dois l'écouter. Il a des conseils à te donner. Alléluia. Amen. Nous allons passer aux serviteurs. Tout à l'heure, quand on a tout moi. Nous avons des serviteurs dans nos maisons. Tu n'as quoi, on a attendu quasi une banique. Et nous avons aussi des serviteurs là où nous travaillons dans nos bureaux. Tu n'as quoi, on a tout moi, où qu'on va quand on a tout mis. Peut-être que le Seigneur nous a donné la grâce d'être chef quelque part. Il n'a osé qu'un amour mais tu partais ne même à quoi qui ongeose. Et qui a des subalternes. Na kuna wale watu wachini yetu. Alléluia. Amen. Il y a des ce sont des serviteurs. Hawa ni watu moi. Et ici, je suis en train de parler aux serviteurs. Les gens qui travaillent et qui ont des chefs. La Bible nous parle dans Éphésiens chapitre 6, verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement dans la simplicité des cœurs. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Watumwa muwati walio bwana zenu kwa maneno ya mwili, kwa oga na kutetemeka, kwa roho moja kama kutii Kristo. Attaque un serviteur. Kama vile mutumwa. Celui-là, c'est ton chef. Uyu ni kiongozi wako. Même s'il est moins âgé que toi. Hata kama ni mudogo kwako. Même s'il n'a pas étudié comme toi. Hata kama hakusoma kama wewe. La Bible dit. Biblia nasema. Soumets-toi. Ujishushe. Obéis-le. Umheshimu. Puisque c'est lui le chef. Kwa kuwa ni yeye kiongozi. C'est lui que le Seigneur a permis qu'il puisse être là devant toi. Yeye ndiye Mungu amemutia hapo mbele yako. La Bible nous dit, il ne faut pas faire seulement ces choses à leurs yeux. Biblia nasema usitende mambo haya tu kwa macho yako. Donc la Bible est en train de blâmer l'hypocrisie. Biblia inakataza hiyo kuwa. Beaucoup de gens jouent cette carte dans les bureaux. Quand le chef est là, donc c'est un bon travailleur. Wakati kiongozi iko hapo na kuwa mtumishi mzuri. Quand le chef part seulement, il ferme la machine, il plie bagage et il rentre à la maison. Wakati kiongozi anafunga machine yake anaenda na wewe unaenda. Et nous qui faisons le travail de l'État. Na sisi ambao tunatumikia raia. Taifa. Serikali ya Kongo. Serikali ya Kongo. Vous allez attendre quelqu'un dit. Utasikia mtu anasema tunaenda tuitika preza. Nous allons seulement signer la présence. Et à la fin du mois, na mwisho wa mwezi, il prend les salaires sans culpabilité. Anachukua hiyo mshahara bila kujua. Pourtant, il sait qu'il n'a rien fait. Na anajua kwamba hakutenda kitu. Et il se contente à dire rapport au njokazi. Na anafurahia kusema rapport au njokazi. Tu peux faire le rapport des choses que tu n'as pas travaillé. Utafaa rapport ya kazi ya kufanya. Mais tu es en train seulement de mentir. Uko unadanganya. Alléluia. Amen. Faisons les choses même à l'absence de notre patron. Tutende mambo hata kama kiongozi wetu hayuko. Puisque le travail que nous faisons, kwa kuwa ile kazi ambayo tunafanya, la récompense est auprès de Dieu. Matunda yake inakuwa mbele ya Mungu. Même si le salaire si cette terre est minime. Hata kama mshahara hapa duniani inakuwa kidogo. Mais sache que pour ce que tu fais, si tu le fais bien. Elewa ya kwamba yale ambayo unayafanya ukiyatenda mzuri, Dieu va te récompenser. Mungu atakulipia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit. Biblia inatuambia. Dans un passage, je me rappelle pas, la Bible nous dit tout ce que vous faites. Biblia inatuambia yale yote tunayoyatenda. Faites-le de bon cœur. Tuyatende kwa roho nzuri. Comme pour le Seigneur. Kama vile kwa Bwana. Et non pour les hommes. Isiwe kama kwa watu. Ce que nous faisons, faisons-le comme nous le faisons pour le Seigneur. Quand tu travailles dans ton bureau, fais-le comme tu le fais pour le Seigneur. Dis-toi en tête que ça c'est le bureau de Dieu, il va venir faire le contrôle. Si on t'a dit, si on t'a mis pour balayer l'hôpital, kama wamekutia ukuwa mwenye kufagia hospitali. Ne balaye pas seulement ici devant là où les Usifagie tu hapa mbele. Quand le docteur va venir, il va voir ici. Wakati waganga watapita wataona hapa. Chini ya vitanda. Bien-aimé, mpendwa. Jésus, lui, on ne peut pas le dribbler. Yesu Kristo hawezi kumdanganya. Ses yeux pénètrent même les lits et regardent sous. Macho yake yanaingia hata chini ya vitanda na inaona huko. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons. Yote tunayoyatenda. Faisons-le comme pour le Seigneur. Nous avons parlé de l'histoire de Rebecca. Abraham a envoyé son serviteur. Abraham alimutuma mutumwa wake. Vous pensez que si ce serviteur faisait les choses, s'il ne faisait pas les choses avec fidélité, kama hangetenda, est-ce qu'Abraham pouvait l'envoyer? Je, Abraham angemutuma. Il a gagné la confiance d'Abraham. Et Abraham l'a envoyé pour aller chercher une femme pour son fils. C'est cette confiance-là qui a fait qu'Abraham puisse l'envoyer. Bien-aimé, en tant que serviteur, nous devons faire tout pour gagner la confiance de nos maîtres. Mupendwa, kama vile mutumwa, inatubidi tutende jambo zote ili tuchukue nafasi katika roho ya wa. Et nous n'aurons jamais de conflit avec eux. Les conflits se créent puisque nous ne voulons pas prendre notre place. Vita inatokea wakati hatuchukue nafasi yetu. Alléluia. Amen. Et à la fin, nous allons parler des maîtres. Na kwa mwisho tutazungumzia waongozi. Quand on parle des serviteurs, wakati tunazungumzia watumwa, c'est-à-dire qu'il y a aussi les maîtres. Kuna kwa wanaowatumikisha. La Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 6 verset 9. Biblia inatuambia katika Waefeso sura 6 mstari wa 9. Et vous maîtres, na ninyi bwana, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux. Mouatende. Et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Bien-aimés, vous êtes maître, vous êtes chef ici, patron, c'est vous le patron, c'est vous qui dirigez l'entreprise, vous êtes DG, peut-être vous êtes maman ici ou papa, vous avez aussi un domestique à la maison, c'est aussi un serviteur. Alléluia. Amen. Quand on parle de maître, la Bible a utilisé le mot maître. Biblia imetumia kusema muongozi. Le travail de maître c'est qui? C'est quoi? Kazi ya kiongozi ni nini? Le maître c'est pour former et faire des disciples. Kiongozi ni yule ambaye anafundisha wengine na kuwafanya wafuasi. Mais ici dans le monde, le système du monde, quand on dit que quelqu'un est maître, il est DG, il est quelque part et c'est lui qui dirige. Donc c'est pour tyranniser tous ceux qui viennent après lui. Katika dunia hii wakati wanasema mtu ni kiongozi na anaongoza wengine, yeye anakuwa hapa tu kuwafunyangia wengine. C'est pour régner. Kuketi. Donc il cherche même qu'on lui donne un trône là où il va commencer à régner. Anataka hata wampatie kiti kia ufalme ili akuwe akitawala. Le maître, quand il a des subalternes, kiongozi wakati anakuwa na hao wanaomtumikia, il faut qu'il reproduise des disciples qui vont aussi être comme lui. Il faut qu'il aide ceux qui sont ces subalternes à relever leur niveau. Inakubidi uwe na wale watumwa ambao utawafunza ili nao siku moja wachukue nafasi kama yako. Quand ils n'ont pas bien travaillé tellement que vous êtes maître. Kama hawakutumika vizuri na wewe ndiye kiongozi. Et c'est supposé que vous connaissez toutes choses, tous ces travaux qui sont en dessus de vous. Na inaonekana kama wewe unajua hizi kazi zote ambazo zinakuwa chini yako. Vous les connaissez. Unazijua. Quand quelqu'un peut avoir des difficultés. Wakati mtu atakuwa na shida. Il peut venir vous voir pour dire maître. Anaweza kuja kukwambia bwana. J'ai des difficultés telle part. Nilipata shida na est-ce que vous pouvez m'aider, me montrer un peu? Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, dans les entreprises, qu'est-ce que nous voyons? Lakini leo katika makampuni tunayoyaona, Quand quelqu'un est maître, wakati mutu ni kiongozi, et que l'inférieur, son subalterne a fait quelque chose peut-être pas bien, na huyo mutu wa chini wake, wakati alifanya kitu ambako hakikuwa mzuri, ce sont des mises à pied, ce sont des blâmes. Anaanza kumwandikia makosa yake, anaanza kumwandikia vitu makaratasi. Nous voyons l'exemple de Jésus. Ses disciples l'appelaient maître. Wanafunzi wake walimuita bwana. Jésus ne régnait pas sur ses disciples. Yesu hakukua anatawala juu ya wanafunzi wake. Non. Hapana. Il était leur serviteur. Alikuwa mtumwa wao. Il servait, il les rendait service. Il les enseignait. Il les formait. Alikuwa akiwafundisha. Il était en train de les former. Alikuwa akiwafunza. Et il les a dit. Na akawaambia. Vous ferez des choses là que j'ai fait. Na nyinyi mtafanya mambo vous ferez même des plus grandes que ce que j'ai fait. Na mtakuwa tena wakubwa kuliko yale ambayo nimeyatenda. Mais aujourd'hui les maîtres. Lakini leo wa ufalme. Les maîtres ne veulent pas que les subalternes ne sachent même pas ce qu'ils font. Waongozi hawapendi watu wao wa chini wajue yale ambayo wanayafanya. Bien-aimé. Wapendwa. Cher maître. Watu wa watawala. Wa Kristo. Suivons l'exemple de Christ. Tufate mfano wa Yesu. Ne régnons pas sur les gens. Tusitawale juu ya watu. Mais encadrons-les. Tuwafunze. Formons-les. Tuwafundishe. Relevons leur niveau. Tuwajinue. Afin qu'ils soient aussi capables. Ili nao wakue na de faire un bon travail. Wakufanya kazi nzuri. Bien, mais si vous faites ça, ils ne vont même pas vous remplacer. Wapendo tukitenda hii, hawata hata kutugomboa. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Biblia nasema, mamlaka yote inatoka kwa Bwana. Ce n'est pas le fait de former ceux qui sont après vous. Haiko kuwafundisha wale ambao wanakuwa qui vont prendre votre place. Ndio maana watakamata nafasi yetu. Hapana. Si vous êtes juste, kama wewe ni mwaminifu, le Seigneur va vous défendre. Bwana atakutetea. Si vous faites votre travail correctement, kama unatenda kazi yako vizuri, si vous voulez bien vivre dans la société, kama unapenda kuishi vizuri ndani ya jamii, le Seigneur sera avec vous. Bwana atakuwa pamoja nawe. Il ne pourra jamais vous abandonner. Na hata kuachililia. J'aimerais que nous puissions voir un exemple d'une famille. Napenda tuone mfano wa jamaa moja. J'ai dit que ce que nous reproduisons. Nilisema yale ambayo tunayatenda. Nous allons aussi les récolter. Tutayavuna. Nous voyons l'histoire de Jacob. Tunaona historia ya Yakobo. Dans Genèse chapitre 37. Katika kitabu kia Mwanzo sura 31 mstari wa kwanza. Jacob a formé une famille. Yakobo alikuwa na jamaa. Il était père, il avait des femmes. Alikuwa baba, alikuwa na wanawake. Et il avait des enfants. Na alikuwa na watoto. Mais dans sa famille, katika jamaa yake, par rapport à ce que j'ai dit, que si vous commettez des bêtises, kufuatana yale ambayo nilisema, ukitenda mambo mabaya, ces choses-là vont se répercuter sur vos enfants. Mambo haya yatakuja ndani ya watoto wako. La Bible nous dit, Biblia inatuambia, l'homme quittera son père, mume atawacha wazazi wake, et sa mère, na mama yake, baba et s'attachera à ses femmes. Na ataungana na wanawake wake. C'est ce que la Bible dit. Nindo Biblia natuambia. La Bible dit il quittera son père et sa femme et son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Biblia natuambia ataacha baba na mama na ataungana na mke wake. Mais lorsque vous voulez vous attacher à vos femmes, lakini wakati unapenda kujiambatanisha na wanawake, bien aimé, vous êtes en train de créer un dégât dans votre famille. Mupenda nakwambia kuna leta shida ndani ya jamaa yako. Dans la suite nous voyons que tunaona hapo mbele. Tellement il y avait des enfants de plusieurs mamans. Kama vile kulikuwa watoto wa mama wengi. Les enfants là ne pouvaient pas, mais vous savez que watoto hawa hawakuweza kupendana. Les enfants jouent la rivalité de leur maman. Watoto wanapigana mbandao wa mama yao. Et c'est la raison pour laquelle ils ont vendu Joseph. Na ndio maana walimuujisha Yusufu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Utukufu murudirie Bwana. Puisque Dieu est tellement bon. Kwa kuwa Mungu ni mwema. Et il est tellement souverain. Na ni mwenye haki. Que Joseph malgré kole ivandi. Na hata walipo muujisha Yusufu. Le Seigneur a changé le mal. Mungu akageuza haya mabaya. A bien pour que Joseph entre dans son nom divin. Ikawa mazuri ili Yusufu aingie katika jina lake la Mungu. Et pour qu'un jour il puisse être le salut pour sa famille. Na siku moja akuwe msaada kwa jamaa yake. Mais bien aimé, nous devons éviter de telles choses. Wapendwa, inatubidi tuache nene na mambo haya. Alléluia. Amen. Même David. Hata Daudi. La Bible dit que c'est l'homme selon Dieu. Biblia nasema ni mtu kama vile roho ya Mungu. Mais sa vie. Lakini maisha yake. À cause des bêtises qu'il a fait, il y a eu des conséquences dans sa famille. Kwa ajili ya mambo mabaya aliyoyatenda yalileta shida ndani ya jamaa lake. Et ce ne sont pas des bonnes choses. Nous voyons qu'il y a eu l'inceste. Ses enfants se sont entretués. Puisque lui-même, il a vécu dans des désordres sexuels. Lorsque vous vivez dans les désordres sexuels, en tant que père de famille, vous êtes en train de maudire votre famille. Ces choses-là ne manqueront pas de se répercuter dans votre famille. Nous devons éviter ces choses. Si nous voulons vivre une société dans laquelle il y a la réussite au niveau de la vie sociale, bien-aimés, nous devons regarder ces choses. Nous devons prendre ces vertus et faire de ça les nôtres. Chacun doit jouer son rôle et garder ses limites. Nous allons incliner nos têtes à la prière.